Al fun del prai y en fun fatric que nourris sin sen fun fatrifatrus. Et à quel sin sen fun fatrifatrus, pas nourri une fun fatric.